Mais où était Mary Poppins? Elle s'était déjà envolée, portée par son vieux parapluie. Je la vis derrière un petit nuage. Au revoir, Mary Poppins! Revenez bientôt! Et je lui envoyais un baiser. Elle me rendit un sourire. Moi, je sais qu'elle reviendra. Elle revient quand on a besoin d'elle. Avec son parapluie, son petit morceau de sucre et ses chansons. Son petit morceau de sucre et ses chansons. Son petit morceau de sucre avec son parapluie, son petit morceau de sucre, son petit morceau de sucre. Un petit morceau de sucre. Et ses chansons. Un petit morceau de sucre, petit morceau de sucre. Petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, son parapluie, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, son parapluie, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre, petit morceau de sucre. Et ses chansons.